J'ai un vieux téléphone des années 80. J'attends que quelqu'un m'appelle. Alors je tape sur les touches pour faire la musique. En même temps, je prends mon petit stylo. Je fais des ronds sur une feuille des gribouillis. Ceci est très amusant. Je suis au bureau, y'a rien d'autre à faire que faire des ronds avec mon stylo. La musique sur téléphone, y'a rien de tel, ça met en forme quand on s'ennuie toute la journée dans un bureau sans vie. Mais personne m'appelle. Ah mais oui, le combiné était branché. Est-ce quand même... Allô? Allô?